pour nous, c'est le début d'une grande aventure, c'est pas la fin. On pense déjà à faire à augmenter nos sports et aussi s'en aller vers du art études, donc dans des concentrations en art, par exemple danse études, pourquoi pas.